d'écrire des phrases sur des bouts de papier. J'ai taffé mes phases comme si je n'avais pas pied. J'ai insisté, j'ai persisté pour faire en sorte que Fiddy se mette à exister. Le son est fait maison, apprécie la fabrication. Mais attention, je n'ai jamais su lire de partition. Je te sens étonné, le tempo étonné. Le sens de la musique pour moi est un atout inné. J'avance en solo, je pose mes mots sur mes démons. Affronte mes démons, excusez-moi si je trouve que je démonte. Les jaloux parlent, ça se concrétise. Les filles de ZD, bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. J'ai envie d'y rester. Trouver des repères, un truc auquel me raccrocher. La musique a frappé depuis, je peux plus m'en décrocher. Bienvenue dans mon monde. J'ai envie d'y rester. Dans ces vagues et linge de berger. Oh mon dieu, des loups couraient. Réfugiez-vous. Très à l'aise, très à l'aise. Je me sens très à l'aise. Mon flow est particulièrement lourd. Car mes mots je pèse. J'apprécie la critique. Améliore ma technique. Me booste pour mes beats. Maintenant pleure pour un feed. Je diffuse gratuitement. À cause de la crise, je ne cherche pas le succès. Je veux juste que ça fit. Si les rimes te semblent sommaires, paniquer ta grand-mère. Excuse-toi auprès de ton père. J'ai dû baiser ta mère. Voilà pour le côté hardcore. Vous en voulez encore. Je taffe la nuit pendant que tout le monde dort. C'est mon côté obscur. Ma drogue dure. Traversée de mauvaises périodes. Et temps sont durs. Changement de mode. Bienvenue dans mon monde, j'ai envie d'y rester. Trouver des repères, un truc auquel me raccrocher. La musique a frappé depuis, je peux plus m'en décrocher. Bienvenue dans mon monde, j'ai envie d'y rester. Dans ces vagues et linge de berger. Oh mon dieu, des loups couraient, réfugiez-vous. Je fais un troisième couplet, je suis pas encore essoufflé. Le thème vous connaissez, pas la peine d'insister. Dans mon monde, j'ai envie d'y rester. Dans mon monde, j'ai envie d'y persister. C'est tout ce que j'ai, ma musique et mon exutoire. C'est tout ce que je fais, elle reste mon unique espoir. Avancer dans l'ombre et dans le noir. Progresser en solo, en voulant y croire. Tu veux te moquer, je t'en prie, fais vite. Car je suis déjà sur un nouveau beat. Ça s'appellera F2Z, F2Z, Fuck it, Fitzy, dégage loin d'ici. Bienvenue dans mon monde, j'ai envie d'y rester. Trouver des repères, un truc auquel me raccrocher. La musique a frappé depuis, je peux plus m'en décrocher. Bienvenue.